Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, je suis rejoint par mon collègue et ami, monsieur qui aura bientôt la forme d'un Chippendale, Marc Bouchard. Salut Marc! Ouais, mais les Chippendale plus version Chipmunks que version danseur ouais, exotique. Ouais, mais Chippendales version 50+, là, je veux dire, à un moment donné, on peut pas tout avoir un corps de gars de 20 ans. Ça fait longtemps que je le sais. Moi, j'ai deux fois et demi un gars de 20 ans. Ouais, mais tu sais, ça s'en vient bien ton affaire, tu fais attention à ce que tu manges et tout ça, et tu sais, tranquillement, tu reprends la forme. Sans blague, là, j'ai 10 kilos, un peu plus que 10 kilos de perdu. 10 kilos, on parle de 20 livres. C'est ça, c'est très bon, c'est très très bon, mon cher, je suis très fier de toi. Je suis très heureux et j'avoue, je l'ai dit, je le répète, je ne l'aurais pas fait sans le support du centre où je vais à Longueuil. J'ai plug à toutes les fois parce que c'est un organisme à but non lucratif et que j'espère que quelqu'un va être assez fin pour les aider financièrement à un moment donné. Ouais. Plus que nous autres, c'est le centre Actis qui est au centre Pierre Boucher. C'est ce genre de place-là. Puis on en parlait avec d'autres bénéficiaires. Là. Puis on n'aurait jamais eu la volonté de faire ça si ces gens-là ne nous avaient pas suivis aussi sérieusement, aussi gentiment, nous motiver avec la kiné, avec la nutritionniste, avec le médecin, l'infirmière. Bref, honnêtement, moi, je pète le feu. Et j'ai un frère plus âgé que moi qui a vécu la même situation que moi il y a mettons un an. Là. OK. Et il m'a appelé hier parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas jasé pour avoir de mes nouvelles. Et quand je lui ai parlé de ce programme-là, ben là, il est à Montréal puis il est à la recherche d'un programme similaire parce qu'il est un peu gelé. Oui, voilà. C'est des choses qu'on a besoin de. Puis c'est tu sais, franchement, là, entre donner 10$ à notre émission puis donner 10$ à ce centre-là, aller donner 10$ à ce centre-là. Là, c'est clairement plus important que n'importe quoi d'autre, ce genre de centre-là qui... OK, on parle pas d'auto présentement, là, mais tu sais, quand on tombe dans cette situation-là, comme toi, quand c'est arrivé, t'es pris au dépourvu. Là. Tu sais pas trop ce qui va se passer, tu sais pas trop où t'en allais avec ça. Tes habitudes de bien manger puis de vivre sainement ont pris le bord depuis longtemps. Puis revenir sur le droit chemin... Mon corps de 20 ans. Revenir sur le droit chemin, c'est très, très difficile. Je l'ai fait il y a quelques années, j'ai perdu beaucoup de poids. Puis malheureusement, quand mon fils est tombé malade, là, ça fait 2 ans maintenant, là, 1 an et demi, 2 ans, j'ai repris mon poids à l'hôpital parce que je mangeais tout croche. Puis j'étais tellement nerveux que je mangeais mes émotions. J'ai repris la majorité du poids que j'avais perdu. Fait que c'est très, très volatile de garder ça après que c'est fait. Fait que ça te prend des gens qui vont te donner des trucs, qui vont t'aider à rester sur le droit chemin. Parce que c'est facile de perdre du poids. C'est difficile de garder ce poids-là. C'est perdu et pas le regagner plus tard. Parce que souvent, on retombe dans nos mauvaises habitudes quand ça commence à bien aller. Oui, puis c'est juste l'idée de la motivation. Tu vois, se forcer à faire quelque chose, Tu sais, l'alimentation, c'est encore pas si mal. Moi, j'adore cuisiner. Ça me permet d'explorer des nouvelles recettes, je te dirais. Mais tu sais, l'idée d'aller faire de l'exercice de façon régulière, ce que je faisais plus depuis longtemps parce que je suis toujours assis en arrière de mon ordinateur ou en arrière d'un volant ou dans un avion quelque part. Alors, c'est vraiment le fun. Alors, honnêtement, là, moi, je suis... Puis on en parlait, je te dis, c'est un centre que je... Ça s'appelle le Centre médico-sportif Axis. C'est absolument fascinant comme support. Et si je les avais pas eus, je serais pas où je suis rendu. Je les ai encore pour 2 mois. Après ça, je vais être on my own, comme on dit. Autonome. Mais je vais continuer, c'est sûr, de les appuyer... C'est certain. Super. Certain. Donc, parlant d'autres compagnies qui auraient besoin d'aide financière, tu voulais nous parler un peu de Tesla. Tu t'es fait ramasser un peu sur Facebook hier, comme ça arrive souvent quand tu parles de Tesla. Je me suis fait ramasser. Écoute, on va reprendre l'histoire du début. Ouais. Tu te rappelleras que l'année dernière, dans le cadre d'une émission d'un YouTube... Oui, oui. Tu avais menacé de monter les marches de l'oratoire dans toute ta tounusité. Exactement. Si Tesla livrait des Tesla 3 au Québec dans le temps qui avait été annoncé. C'est ça. Alors, j'ai rencontré Mathieu Thomassin de Question Auto au Salon de l'Auto de Québec et il m'a dit, Marc, ça fait un an que tu m'avais promis ça. Est-ce que tu es prêt à faire un suivi? Puis oui, il n'y a pas de problème. D'autant que Tesla avait publié la semaine précédente ses résultats financiers de la dernière année. J'ai dit, bon, mais regarde, on a la preuve que ce que je disais, j'avais raison. 2017, on a livré 1550 modèles 3, okay, à la grandeur de la planète. Mm-hmm. Je te rappelle qu'on devait en faire 5000 par semaine. Okay? 1550, ça, c'est au total de l'année. On est un petit peu en deçà des prévisions. Un petit peu en deçà des prévisions. Légèrement. Et on a affiché un déficit de 2 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 12 milliards. OK. Ouais. Fait que, évidemment, on ne peut pas dire que ça va bien chez Tesla. Bon, il y a eu un article qui disait Tesla est en faillite technique. C'est vrai, mais ça ne veut rien dire. La faillite technique, là, c'est quand tes revenus sont inférieurs à tes dépenses. Ouais, quand okay. Tu dois plus que ce que tu vaux ou ce que tu as dans tes poches, tu es en faillite technique. Ça ne veut pas dire que tu es en faillite, par exemple. Parce que... Non, c'est ça. Alors, c'est le cas de bien des compagnies. Mm-hmm. Puis ça ne veut rien dire. Moi, ce n'est pas ça qui me dérangeait. C'est vraiment le fait que, écoutez, on a perdu 2 milliards de dollars. On a annulé, on en a déjà parlé, la moitié de la production, la moitié de la ligne de production de la Model 3 en novembre. On a annulé les commandes de machinerie parce que, bon, ça ne donnait pas, ça ne marchait pas. On a fermé, oui, c'était prévu, mais on a quand même fermé la production une semaine en janvier. Et là, on nous dit, bon, ils ont publié un bulletin en disant, au Canada, ça va être livré à la mi-2018. Mm-hmm. Mais il y a eu toutes sortes de développements depuis, dont un message que Tesla a envoyé à ses gens en disant, finalement, on est obligé de retarder encore un peu. Donc, on n'a pas de nouvelle date. On garde mi-2018, là, mais on est encore un petit peu en retard, fait qu'on ne sait pas trop si ça va bien. À la fin de juin, on devrait produire nos 5000 par semaine. Ouais. OK? Ouais. Ça, c'est si ça va bien. Alors, évidemment, la Model 3, ben, retenez pas votre souffle, parce qu'il ne semble pas qu'elle soit prête encore. Et ça, on en a parlé, malgré le fait que les gens l'attendent. Et ça, c'est ce qui me fascine. Parce que malgré tous les délais épouvantables qu'on rajoute année après année, malgré tous les commentaires de gens qui l'ont vu, qui l'ont essayé, qui ont dit qu'elle était mal assemblée, qu'elle était assemblée comme une Kia des années 90, les gens continuent d'attendre ça. Mais est-ce qu'il y a eu des livraisons aux États-Unis, non? 1550 en 2017. Okay, c'est ça. Fait qu'il y en a quand même eu. Puis est-ce qu'on a une mise à jour sur comment ces gens-là aiment leur Tesla 3 ou on tient ça mort? Ouais. Ou on sait-tu quelque chose? La plupart des gens ne diront rien contre Tesla parce que, je te dis, ils sont prêts à attendre pendant 4 ans, ouais, pour en avoir une. Ouais. Fait qu'évidemment, ils ne diront rien. Et là, tu ne peux pas dire rien contre Elon Musk parce que tu te fais... Je t'avais de trouver une bombe en dessous de mon auto. Et pourtant, je ne prends que des données empiriques. Tu sais, moi, ce que je dis, là, c'est pas moi qui l'invente. Là. C'est des chiffres qui sont publics à tout le monde. Ouais. Alors, je vais attendre que Tesla se décide à nous livrer des véhicules et après, on pourra crier au génie. Mais ce qui me fascine, c'est qu'il y a 450 000 personnes qui ont commandé une Tesla Model 3. Ouais. OK? Ouais. 450 000. Dont certains commencent à reprendre leur dépôt. Là. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, mais il y en a. Ouais, mais ce qui me fascine, ouais, c'est que si ces gens-là étaient là pour défendre la planète puis l'environnement, là, ouais, ben ils se seraient achetés un autre char électrique en attendant. Quand tu sais que tu ne l'auras pas avant 3 ans, tu peux te permettre de t'acheter une autre voiture électrique au lieu de continuer à rouler dans une voiture à essence. Au pire, tu loues. Ouais, au pire, tu te loues une voiture électrique, puis à la fin du bail, tu ramasses ta Tesla. Oh, ouais. Ouais. Mais on s'est entendu pour dire que c'est pas vrai qu'il existe 400 000 véhicules électriques actuellement en fonction en Amérique? Non, c'est pas vrai. Non, c'est sûr. Alors, ces gens-là, ils veulent pas un char électrique. Ils veulent une Tesla. C'est comme vouloir un iPhone puis rien avoir d'autre. C'est comme la personne que le iPhone 8 ou l'iPhone 8 Plus, puis que là, l'iPhone 10 sort, puis il change son 8 pour un 10 juste parce que c'est la nouvelle patente. Mais ça, c'est un fashion statement. Là. C'est je veux avoir le dernier bidule technologique. Puis ça, c'est une bombe qui est en train une ballonne qui est en train de dégonfler un peu parce que les ventes de téléphones intelligents sont en train de descendre aux États-Unis. Parce que le monde commence à comprendre que t'es pas obligé d'avoir la dernière chose technologique. Mais Tesla, c'est que ça représente un peu ça. Tesla, premièrement, je l'ai toujours dit, puis je suis pas le seul, c'est le Apple du monde de l'automobile. C'est une compagnie qui a une aura. Elon Musk, je l'aime comme personne. Je l'aime ce qu'il présente. Ça a l'air qu'en personne avec ses employés, c'est pas toujours la même chose, mais j'aime le style du gars. Le gars va prendre des risques. Puis juste le fait, gars, ce qu'il a fait avec SpaceX, puis envoyer sa Tesla dans l'espace, on s'entend-tu que c'est le meilleur coup de marketing que tu peux faire dans l'univers, puis il y a juste lui qui est capable, ouais, de faire ça. Mais tu vois que là, écoute, ça, je voulais y revenir justement. Il y a une étude qui a été publiée par des scientifiques, entre autres en Europe et aux États-Unis, qui, mm-hmm, dit, est-ce que Elon Musk n'est pas plutôt un bioterroriste? Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé sa Tesla Roadster dans l'espace, ouais, mais il ne l'a pas désinfecté au complet. Donc, il a envoyé dans l'espace toutes les bactéries Alors que normalement, tout ce que tu envoies dans l'espace, la NASA fait ça, tout ce qu'il envoie dans l'espace est totalement désinfecté. Il ne faut pas qu'il y ait aucune bactérie, qu'il n'y ait rien. Ça n'a pas été fait avec la Tesla Roadster. Et donc, ça pourrait, effectivement, si elle se pose quelque part sur une autre planète, ça pourrait aller infecter et faire mourir l'autre planète. Ouais, mais est-ce que les... Là, je ne suis pas scientifique, là, mais les bactéries vont juste mourir dans l'espace, là, vont geler. Et non, et non. Ah non? Et non, mon cher. Okay. Non, justement. Ah ben. Mais remarque, c'est un détail, c'est une niaiserie. Là. Ça, j'ai juste trouvé ça très drôle. Mais parce que justement, ça va dans toute l'opération marketing de Tesla, puis je trouvais ça bien comique. Ben. Mais effectivement, c'est très... les gens, il est un peu contesté, là, de marque. On va se dire les vraies affaires, puis il l'est encore avec sa Tesla Roadster, oh, ouais. Qui est un coup de marketing sublime, c'est... mais on va se calmer la pompinette sur la valeur réelle de ce geste-là, finalement. Là. Ah, mais ça a fait parler pendant une semaine ou deux, un mois peut-être, puis là, c'est tranquillement, ça va décliner, puis on n'en parlera plus, mais tu peux encore aller sur YouTube puis voir l'auto qui vole dans l'espace. Sûr. Qui flotte dans l'espace, plutôt, elle vole pas, elle flotte. C'est sûr. Mais, tu sais, on parle de Tesla, donc on dit Tesla, écoute, les Model 3, ça se construit pas comme on veut. Là, c'est sûr qu'ils font du esbrouf avec leur semi-remorque, avec, bon, tu sais. Mais les Model 3, ça va pas comme on veut. Quand les gens rentrent pour aller s'informer sur la Model 3, on essaie de leur vendre un Model X ou un Model S. On essaie de convertir ces ventes-là parce que ça, on en a, puis les autres, on en a pas. Bon, ouais, théoriquement, c'est pas le même budget, on s'entend, là. Non. Ouais. Mais t'as-tu vu la dernière nouvelle aux États-Unis? Non. Une des grandes qualités de Tesla, c'était son réseau de superchargeurs. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Qui était gratuit, qui était bon, tu sais, ça allait bien. Mais là, il y a des frais aux superchargeurs. Et aux États-Unis, on vient d'augmenter les tarifs de superchargeurs. Dans certains cas, de 100 %. Okay? Donc on double le prix. Là. Exactement. Mmh. Alors, par exemple, dans l'État de New York, c'est maintenant 24 sous le kilowattheure. OK. Juste pour information, quand moi, je dépasse ma consommation prévue à la maison, je paye 8,5 sous le kilowattheure. Ouais, mais nos tarifs d'électricité sont beaucoup, sont probablement dans les plus bas de la planète, là, parce qu'on... Je suis d'accord avec toi. Si on le produit, ça coûte rien à produire presque, là, fait que c'est... Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Mais ça reste que les gens qui ont acheté ces voitures-là avaient pris pour acquis que les recharges seraient gratuites, parce qu'on avait dit que les recharges seraient gratuites. Et sais-tu combien ça fait une recharge à 26 cents du kilowattheure? C'est pas moi qui le dis, là. Sur moi, une Tesla? Pas... Ouais. Quelques dollars? Ça fait 35 $ ouais. Soit l'équivalent à peu près d'un plein aux États-Unis pour faire la même distance. Ouais, fait que tu viens d'effacer le plus de value. L'avantage financier. La seule chose qui te reste, c'est que tu conduis une très belle voiture, parce qu'une Tesla S, c'est beau, une Tesla X, on pourrait s'en reparler. Là. Mais Tesla S, une très belle voiture, puis au moins, tu roules vert. Mais pour le reste, tu n'économises plus. Ou tu es mieux d'aller charger ailleurs, finalement. Tu es aussi bien d'aller dans une borne rapide à 400 volts, puis ça va te coûter moins cher. Exactement. Ça va être plus long, mais ça va te coûter moins cher. Puis c'est mieux. C'est sûr que tu vas te charger chez vous. Là. Les gens vont dire, oui, mais la plupart des gens cherchent chez eux. C'est vrai, là. Bon, ouais. Mais je vous dis que les promesses de Tesla d'avoir des superchargeurs gratuits, des réseaux faciles d'accès, puis ça, c'est sans compter qu'avec la Model 3, il faut que tu payes pour avoir accès aux superchargeurs. Oui, c'est dans le prix d'achat de la voiture. Je pense que c'est 4 000, 5 000? 5 000. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, on n'est plus là. Fait que les gens qui me disaient, ah, vous savez, avec l'électricité, c'est maintenant beaucoup plus économique, on rentre dans notre argent rapidement. Yish! Ça va commencer à être moins vrai à partir du moment où vous allez être sur la route avec une voiture comme une Tesla. Ouais, alors, c'est ça. Mais, ce qui me dérange... Mais tu sais, la majorité, ce qu'il faut faire quand on s'achète une voiture électrique, c'est la majorité du temps, il faut s'arranger pour être capable de charger à la maison puis que ça soit une exception de charger à l'extérieur. C'est clair. C'est là que c'est rentable. Oui, mais regarde, encore une fois, on oppose la rentabilité au côté pratique. Oui, oh oui. Là, si je m'en vais avec mon char à essence, je peux me rendre où je veux puis j'ai pas... poser cette question-là. Alors que là, encore une fois, avec la voiture électrique, Tesla, qui ne tient pas ses promesses, encore une fois, hein, vient nous dire, bien, finalement, ça ne sera plus rentable. Vous allez devoir défrayer pour aller sur la route avec ces voitures-là. Donc, le gars qui veut descendre en Floride, bien, attelle-toi, mon petit peu, ça va te coûter le même prix que si tu avais une voiture à essence. Ouais, mais je serais plus scandalisé, par exemple, si on doublait le prix des bornes rapides puis des bornes à 400 volts puis les BRCC ou les bornes rapides à... Bon, parce que là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui est affecté, puis la personne qui a la Leaf n'a pas la même autonomie ou le même budget normalement que la personne qui a la Tesla. On s'entend, si tu te payes une Tesla, tu as normalement un peu plus de moyens ou tu as un remboursement kilométrique pour ton travail ou peu importe. Fait que c'est scandaleux, mais je trouverais ça pire si ça affectait les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture à grande autonomie. Je suis d'accord avec toi, là. Mais ce que je te dis, c'est que c'est encore une fois une promesse non tenue de Tesla. Non, oui, je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est ça qui me dérange. En fait, c'est pas. J'ai rien contre la voiture. Au contraire, je pense que les voitures électriques, c'est là pour rester. Je l'ai dit, je l'ai répété sur tous les tons. Mais j'en ai contre une compagnie qui fait des promesses d'atteindre la Lune, puis qui, aussitôt qu'il essaie de lever un peu de terre, nuit encore à ses propres promesses. Et ça me dérange. Ça, là, c'est de prendre les gens en otage. Et ça, c'est la partie qui me dérange beaucoup. Et quand tu regardes, tu disais, je me suis fait ramasser sur Facebook cette semaine. C'est vrai. C'est totalement vrai. Je me suis fait ramasser par des électromobilistes là, solides. Puis bon, parce que je tenais exactement le même discours que je tiens actuellement. J'ai rien contre les auto-électriques. J'en ai contre Tesla, qui est une compagnie qui ne tient pas ses promesses. Mais je suis allé voir les profils de ces gens-là. Écoute, il y a des gens qui ont la photo d'Elon Musk comme photo de profil en disant « Heureusement, on a Elon ». Ah oui. Fait qu'on est bien au-delà des gens qui sont des passionnés de voitures électriques. C'est devenu un véritable mythe. C'est quasiment une religion. Et ça me dérange considérablement. Un peu comme Apple était dans le temps de Steve Jobs. Ça s'est calmé un peu avec Tim Cook. Mais quand Steve Jobs était là, Apple ne pouvait pas faire d'erreur. Non, effectivement. C'était tout correct, puis ça marchait tout. Puis, comme j'ai dit, j'aime bien Elon Musk, mais est-ce qu'il s'est embarqué dans quelque chose qui, au final, tu sais, il pensait pas que c'était si compliqué que ça? Construire des voitures, avoir une compagnie, un constructeur automobile, c'est compliqué. Il y en a qui se sont plantés, il y en a qui se pètent les dents à tous les jours, puis qui sont dans ça depuis beaucoup plus longtemps que Tesla. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Tesla. Mais c'est drôle parce que tu disais, ah, tu sais, on change les modalités. Puis j'ai tout de suite eu une scène de Star Wars dans la tête où Darth Vader dit à Lando Calrissian et espère que je ne modifierai pas notre entente encore un peu plus. Fait que c'est ça. On s'en va peut-être vers ça. Quand on est rendu qu'on compare Elon Musk à Darth Vader, regardez, il y a des gens pires que moi dans la vie. C'est pas moi qui l'a fait. C'est juste un flash que j'ai eu là, de personnes qui changent les ententes sans vraiment l'accord de l'autre. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Donc, Marc, on va faire une pause parce que ça fait déjà assez longtemps qu'on parle en intro. Puis on va revenir tout de suite avec nos essais de la semaine. Tu vas nous parler du Kia Niro. Et moi, je vais vous parler d'une petite voiture que je ne déteste pas, la Volkswagen Golf GTI. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure de parler d'un véhicule intéressant que j'ai bien apprécié quand je l'ai conduit. Tu as conduit le Kia Niro. Dans quelle version? Version juste hybride? Oui, parce qu'on n'a pas encore la plug-in. OK, ouais, ben ça fait longtemps qu'on en entend parler, là, mais oui, OK. Elle va arriver d'ici l'été, dit-on. Mais bon, je pense qu'on n'est pas rendu là. Moi, j'avais la version S6 hybride. Et c'est un véhicule que j'avais essayé à son dévoilement l'année passée dans la région du Texas. Évidemment, c'est toujours un peu étrange d'aller essayer un véhicule dans le coin du Texas où il fait beau, fait chaud, quoiqu'il faisait juste 15 degrés dans ce temps-là, mais bon, c'était quand même mieux chez nous. Mm-hmm. Et les routes sont absolument superbes. Tu sais, t'as des routes à n'en plus finir. Fait que c'est sûr que la voiture s'en sort généralement assez bien parce qu'elle est dans les conditions qui lui sont idéales. Mm-hmm. Fait que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le Kia Niro à ce moment-là. Oui. Mais je ne l'avais pas reconduit depuis vraiment chez nous. Alors là, j'ai fait la demande de l'avoir et honnêtement, j'ai encore beaucoup, beaucoup aimé ce véhicule-là. Oui. Écoute, petit véhicule vraiment le fun. C'est un hybride, moteur 4 cylindres 1.6, 104 chevaux. Il y a un petit moteur électrique de 43 chevaux, ce qui, par la magie de la combinaison, fait 139 chevaux au total. Je suis pas sûr de comprendre le calcul toujours comment on additionne, là, mais... Oui, c'est un estimé plus qu'une vérité absolue, mais oui. Effectivement. Ouais. Mais tu n'as pas de mode 100% électrique. C'est-à-dire que tu peux pas rouler pendant 25 km en mode 100% électrique. C'est pas le but. C'est vraiment des hybrides parallèles. Ouais. Donc, on va travailler en conjonction l'un avec l'autre. C'est ça, c'est plus de l'assistance que de la conduite électrique. Mais tu peux faire 1 km, 2 km si tu roules pas trop vite, là. C'est ça. Par contre, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir des accélérations au démarrage qui sont, ma foi, très intéressantes. Mm-hmm. Parce que, justement, c'est le mode électrique qui part. Donc, à ce moment-là, tu es quand même... c'est plus actif un peu, c'est plus nerveux. Et ça part bien. Et par la suite, bien évidemment, c'est le petit moteur. Non, c'est pas puissant. C'est correct. C'est un sous-compact... Ben, attends, un petit compact. Là. Ouais, c'est pas une voiture sport. Là. C'est... Non, vraiment pas. Mais c'est ultra confortable. Honnêtement, moi, c'est ça qui m'a impressionné de ce véhicule-là, qui n'est pas gros, on l'admet. Mais c'est confortable, c'est silencieux, c'est agréable à conduire. La direction est correcte. Écoute, c'est pas, on s'entend pour dire que c'est pas exceptionnellement précis. Ben, c'est une direction électrique, là. C'est toujours un peu flou, normalement, mais c'est pas, c'est pas extrême, là. Non, c'est bien correct ce que ça a l'air faire. Ouais. Faut se rappeler que c'est un petit véhicule qui est fait pour être un véhicule, pas un véhicule d'appoint, mais tu sais, c'est pas un véhicule des grosses familles, là, on s'entend. Les sièges arrière sont un peu limités. L'espace de chargement est meilleur, mais, en même temps, on se retrouve dans une voiture qui est, en tout cas moi j'avais la version SX, qui est fortement équipée. Bon, oui, Non, il n'y a pas de rouage intégral, c'est une traction avant, mais pour le reste, tu as à peu près tout ce que tu peux t'imaginer comme besoin. T'sais, ça va de tous les systèmes de sécurité embarqués. Tu avais même une aide de maintien en voie, puis la voiture va corriger un peu. Mm-hmm. Tu as les détections d'angle mort, tu as les caméras. Écoute, honnêtement, tout était là. C'est un véhicule qui est vraiment surprenant. Et en même temps, c'est un véhicule aussi auquel on ajoute une économie d'essence qui est, ma foi, assez intéressante. Tu sais, moi, j'ai fait là quelque chose comme 5.1, à peu près. Oui, tu peux faire 5.2. En bas de 5, là. C'est ça, facilement. Ouais. Alors, honnêtement, j'ai rien à redire à ce véhicule-là. C'est vraiment un petit véhicule que j'ai beaucoup aimé. Et pour les fins de l'anecdote, le lundi, comme tu sais, on va changer de voiture. Mm-hmm. Puis des fois, c'est compliqué. Parce que, tu sais, il faut que tu parles d'une place qui est à Laval à l'autre place qui est dans le West Island ou bon... du West Island à la rive sud. Alors, ce que je fais, moi, c'est que j'amène mon beau-frère qui est à la retraite. Puis, son fun, c'est à ce moment-là, je lui laisse conduire les voitures entre les deux places. Ça lui permet d'essayer les voitures un petit peu puis de voir ce qui se passe. Et il a un œil qui est bien différent du mien, évidemment. C'est pas un connaisseur de voitures. C'est un gars qui avait conduit probablement 10 voitures avant tomber avec moi pour essayer celle-là. Donc, non, mais c'est correct parce que c'est ça le marché cible des constructeurs. C'est pas du monde qui change de voiture à tous les semaines. C'est du monde qui vont s'acheter une voiture et qui vont changer aux 4-5 ans. Exactement. Alors, ouais. je trouve ça intéressant. Et lui, bon, on est allé chercher, on est allé reporter le Kia Niro et on est revenu avec le Kia Optima. Et son premier réflexe a été de me dire, sais-tu, la Niro était plus confortable que l'Optima. Oui. Lui a trouvé que les suspensions étaient plus agréables, que les sièges étaient plus agréables. C'est vrai que l'Optima est plus sportive, on s'entend. Ouais, c'est ça, on essaie de faire une berline sportive un peu avec, fait que c'est pas le même type de conduite. Non, mais c'est vraiment, honnêtement, j'ai trouvé ça très drôle comme commentaire. Et lui a beaucoup aimé aussi tout ça, et c'est complètement fou. C'est complètement fou. Comment tu t'as tout là-dedans. Le système UVO est absolument génial. C'est là, Un système Microsoft. Oui, le système UVO, Microsoft. C'est fait par Microsoft. C'était la même, c'est à peu près dans le même lancé que le premier Sync, mais mieux fait. Là. Ah, il est vraiment mieux fait. Là. Ouais, c'est bien, c'est solide. Oui, totalement. Là. Alors, honnêtement, je n'ai que de bons mots pour le Niro. Mon seul bémol, en fait, c'est peut-être le prix. Parce que, oui, dans sa version de base, ça va, là, il est 24 995, mais la version que moi j'avais, on parle de 32 995. Ouais. Pour un véhicule qui est pas très gros quand même, honnêtement, je trouve ça un peu intense comme prix. Je trouve que les tarifs sont un petit peu... Ça pique un peu les yeux. C'est ce qui me fait peur quand la version électrique va sortir, le prix que ça va coûter, cette bébête-là, parce qu'on s'entend que c'est toujours plus cher. Puis là, lui, il est déjà cher. Oui, mais je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer, mais en tout cas, on verra. Mais pour le moment, je peux te dire que le Niro, pour moi, c'est un petit coup de cœur fort agréable que j'ai beaucoup, beaucoup aimé conduire. Ouais. Toi, mon cher, tu as fait plus dans le sportif cette semaine. Oui, j'étais dans la Volkswagen Golf GTI. Véhicule que j'essaie de me réserver une fois par année parce que c'est... C'est un petit peu un petit plaisir coupable, cette voiture-là. Puis, à mon humble avis, là, puis c'est peut-être bien, bien personnel, j'ai l'impression que c'est la voiture la plus complète qu'on peut trouver dans cette catégorie-là, puis peut-être dans cette gamme de prix-là aussi. C'est sûr que ça commence à 30 595 $, donc c'est pas donné. Mais cette voiture-là offre tellement. Je veux dire, c'est vraiment amusant à conduire. Il y a plusieurs modes de conduite. Oh, ouais, c'est une Volkswagen, mais c'est une GTI, c'est une GTI. Là. Premièrement, ça a de la gueule. Celle que j'ai eue avait les sièges carrelés en dedans, qui est vraiment la marque de commerce d'une GTI. Ça, il faut rappeler que c'est historique. Là. Oh, oui, les c'est gens ça. Font beaucoup de commentaires sur des photos de ça. En dehors, c'est pas beau, pourquoi on a fait ça? Parce que c'est historique. C'était la base de la GTI dès le départ. Exact. Ça fait partie de l'ADN de la GTI, les sièges carrelés. C'est pour ça que j'étais déçu. Il y a quelques années, sur la flotte de presse, il y avait une GTI, mais avec des sièges en cuir noir. Puis j'étais comme, ah, non. Mais ça, c'est des sièges en tissu carrelé. C'est joli. Tu sais, siège chauffant, la seule chose, encore une fois, je comprends pas que dans un véhicule de ce prix-là, Volkswagen n'est pas capable de mettre un volant chauffant. Quand Kia le fait dans sa voiture de base, là, je peux pas concevoir que Volkswagen n'est pas capable de mettre ça dans sa voiture. Je comprends que c'est pas dans la mentalité allemande de mettre un volant chauffant. Pour eux autres, c'est comme pas nécessaire. Mais tu sais, j'aurais pas détesté ça un matin ou deux, avoir un volant chauffant. Pour le reste, comme je disais, il y a des modes de conduite différents. Je me suis mis en mode éco pour pas consommer trop d'essence. Puis à un moment donné, j'ai dit, ah, il faudrait bien, tu sais, avant de la retourner, il faudrait bien que je l'essaye en mode sport. Donc, je l'ai mis en mode sport, puis je l'ai oublié en mode sport pour m'apercevoir que ma consommation était à peine plus élevée. ça valait pas à peine vraiment de changer. Puis c'est une voiture que même si vous la poussez un peu, en autant que vous faites un peu d'autoroute, vous faites pas juste la pousser sur des petites routes, si vous faites un peu d'autoroute, là, vous allez être nettement en dessous du 7 litres au 100 km. Ça consomme pas cette voiture-là. Je pense que j'ai ramené la voiture à 6,3 litres au 100 km, ce qui est phénoménal là, pour une voiture comme ça. Puis tu sais, oui, c'est le fun à conduire, mais il y a de l'espace. Les personnes en arrière, je suis revenu avec, c'était lundi de la semaine de relâche, je suis allé porter un véhicule. Je me rappelle pas qu'est-ce que j'étais allé porter. J'étais allé porter un véhicule, puis je suis revenu avec la GTI, puis tu sais, j'avais ma belle-sœur assise en arrière avec mon gars puis mon neveu, puis j'avais tu sais ma femme assise en avant avec moi, puis tu sais, tout le monde était confortable, personne n'a dit ah, on est tassé, tu sais. Fait que tu peux asseoir deux adultes et un enfant en arrière, t'as pas de problème. Le coffre est grand, t'as un passe-ski entre les deux sièges. Fait que dans la coudoir centrale, il y a un passe-ski. Fait que tu veux mettre quelque chose de long. Pour moi, c'est plus un passe 2x4 ou un passe moulure pour finir le sous-sol. Mais parce que je fais pas de ski, mais tu sais, il y a de l'espace, c'est bien pensé. Quand on a une version un peu plus technologique, t'as les phares adaptatifs, donc les phares vont s'ajuster automatiquement selon le poids qu'il y a à l'arrière dans la voiture. Parce qu'on sait, si on met du poids en arrière, les phares éclairent plus haut parce que ben, le devant lève un peu. Les phares vont s'ajuster. Quand on prend une courbe, les phares vont éclairer la courbe qu'on prend. Donc, on n'éclaire pas tout droit pendant qu'on tourne à gauche ou à droite. On éclaire vraiment la courbe. Le système ouais, de... Jusqu'à un certain ouais, moment. Oui, oui, oui. C'est quand même c'est 15 pas, degrés, là, je pense. C'est ça. T'sais, si on fait si vous faites un communément appelé un U-turn, ben là, on n'éclaire pas en arrière, là. Mais quand on prend une courbe normale, une petite courbe, ça éclaire dans la courbe. Fait que ça nous permet de voir où est-ce qu'on s'en va. Je veux dire, c'est amusant à conduire. Les suspensions sont un peu sèches. C'est sûr que si vous pensez que ça va être le confort total, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas désagréable. On sent très bien la route, par exemple. Il y a des voitures que vous allez sentir, comme Marc, tu t'essayais une voiture l'autre jour et tu disais on sentirait un cheveu sur la route. C'est à peu près ça, cette voiture-là. Peut-être pas extrême comme ça, mais on sent très bien les imperfections de la route. Puis c'est correct, c'est une voiture à caractère sportif, donc il faut sentir qu'est-ce qui se passe sur la route. Système multimédia de Volkswagen qui c'était vraiment pénible dans le temps, c'est beaucoup mieux, ça s'est bien amélioré. J'ai bien aimé, on a Android Auto, on a Apple CarPlay. À l'écran principal, on peut changer le mode de conduite. On a un mode qui appelle custom aussi, où ce qu'on peut décider ce qu'on veut. Donc on veut une accélération plus, tu sais, on veut mettons le moteur et la transmission en mode sport. On peut mais il y a aussi le son du moteur. On doit nous passer le son du moteur à travers le système de son pour l'entendre plus si on veut, ou on peut le mettre plus confort, donc entendre moins. Donc on peut modifier certains paramètres de la voiture pour la rendre plus agréable. J'avais un toit ouvrant. Tu sais, c'est une voiture qui à mon avis complète là. Pour quelqu'un qui veut une berline, ben, t'sais, qui veut une voiture familiale avec de l'espace, qui peut partir en vacances avec, qui peut amener ses enfants t'sais, au soccer pis t'sais, ou aller au hockey, t'as un grand coffre, t'as de l'espace en arrière, puis en plus, tu vas avoir du plaisir de conduire pour aller t'sais, travailler, sortir, ou te promener la fin de semaine. À mon avis, la GTI, c'est comme l'ensemble presque parfait. J'ai vraiment pas grand-chose à dire de négatif de cette voiture-là. Je veux dire, c'est à consommer de l'essence. Ouais, t'es en amour avec ce char-là depuis toujours. Là. Ben non, pas depuis toujours. Ben, depuis toujours. Depuis que je l'ai conduit, même la Golf TSI, là, la Golf régulière, c'est hyper agréable à conduire. Puis j'ai vu des gens dire sur Facebook tu sais, moi, je préfère la Golf R et tout ça. Vraiment, là, côté pratique, là, puis côté prix, J'aime mieux la GTI à la Golf R. La Golf R, c'est très extrême. Le seul côté vraiment positif de la Golf R, c'est sa traction intégrale. Moi, j'ai toujours dit, si Volkswagen décidait de faire une GTI à traction intégrale, là, ça serait extraordinaire. Mais bon, on a la Golf Air pour ça, mais une Golf Air, c'est quoi, 50 000? T'sais, à un moment donné, c'est le budget est conséquent aussi. Là. Mais non, franchement, là, si c'est une voiture qui peut entrer dans votre style de vie, allez essayer ça. Puis je vous garantis, là, c'est bien, bien rare qu'on conduise une GTI et qu'on n'est pas agréablement surpris. C'est une très belle voiture, puis en plus, c'est confortable, c'est juste amusant à conduire. Les accélérations, la transmission DSG là-dessus, c'est une DSG à 7 vitesses, c'était une 6 avant, maintenant c'est une 7. T'écrases l'accélérateur, puis c'est linéaire. C'est à double embrayage, c'est vraiment linéaire. Les vitesses se changent, puis toi, tu fais juste accélérer. Tu sens pas, tu sais, souvent une voiture qui est pas à double embrayage, quand on change de vitesse, on le ressent, tu sais, ça donne un petit coup. Mais ça, c'est juste linéaire, c'est juste parfait comme accélération. J'ai juste entendu dire que c'était... L'entretien sur la DSG était peut-être un peu excessif. Un peu intense. Ça pique un peu les yeux, la facture. Mais bon, pour le reste, tu sais, oui, Volkswagen s'est fait ramasser avec les diesels et tout ça, là, mais c'est ce genre de voiture-là qui te rappelle, tu sais, c'est quoi à la base Volkswagen, là. C'est ça, là. C'est le plaisir de conduire, c'est une tenue de route allemande, c'est vraiment assez incroyable comme voiture. Pour un prix qui est... C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, c'est clair, là. Mais c'est pas si mal quand même. Non, non, mais tu sais, mensuellement, je le regarde, puis tu sais, à 30 595, c'est le prix que j'ai payé mon Ford Escape, là, en 2010, c'est le prix de mon camion. Fait que c'est pas dans le budget de tout le monde, mais si vous pouvez vous le permettre, je veux dire, allez l'essayer. Mais encore là, il faut aimer le design. T'sais, ma femme aime pas le design, elle aime pas l'allure de la Golf. Mais si c'était pas de ça, pour le reste, ça oui, mais a bien on aimé. On peut discuter des goûts de ta femme en sachant qu'elle t'a épousé. Et clairement, c'est ce que je dis toujours quand ça vient sur le sujet de goût et ça. Je me dis, ouais, mais regarde, ça compte pas, tu m'as épousé. Mais bon. Mais faut préciser que ta femme est sourde et aveugle. On va finir là-dessus avant que je te pitche une insulte bien méritée. Et puis, on va revenir avec le dernier bloc de l'émission où on va parler de nouvelles. De retour de cette, j'imagine, courte pause. Hein, on ne le sait pas vraiment. C'est les radios web qui décident de les mettre. En passant, je veux juste vous mentionner, si vous avez entendu ronfler sur l'émission, c'est pas moi, c'est pas Marc, c'est que je fais l'émission avec mon chien sur mes genoux parce que mon chien a été malade récemment. Puis là, ben, il colle son papa. Fait que si vous entendez ronfler, là, c'est mon petit chien Achou qui est sur mes genoux. Chien que Marc, tu as rencontré et que... Effectivement, qui a eu un peu peur de moi, mais bon, je suis correct. Non, il jouait avec toi à l'entour de... Il courait après toi à l'entour de Lilo. Il était... Non, effectivement. Ouais. Non, il est très drôle. Ouais, il a 14 ans et il est en forme comme un bébé chien. Donc... C'est sûr que quand je compare ça au mien, ouais. C'est comme un shooter de chien. Mais... Oui, c'est ça, c'est un petit shooter, une petite dose. Toi, c'est comme une grosse... Toi, c'est une grosse bière. C'est un baril. Mais écoute, Sans mauvaise blague, hier, je travaillais de la maison. Mm-hmm. À un moment donné, j'entends cogner à la porte. Alors, je m'en vais voir. Et là, mes deux chiens se mettent à japper, comprends-tu? Ils hurlent. J'ai deux chiens qui pèsent 100 livres chacun ou à peu près. Et quand ils sont arrivés à la porte, j'avais des témoins de Jéhovah qui sont venus me rencontrer. Et quand la dame a vu mes chiens puis elle jappait, elle a reculé, mon gars, là, à une vitesse que je n'aurais pas cru possible. Ah! Allô, ouais, c'est ça. Et a comme fait le saut un peu. Elle était pas sûre. J'ai trouvé ça très drôle. Disons que la visite des Jéhovah était très brève, finalement. Ça a été court, mais c'est ça. Mais on aime ça court. Donc, on aime mieux pas du tout, mais au pire, on aime ça court. Ouais, ils ont été super fins, là. J'ai rien à dire, là. C'est juste que je trouvais ça très drôle de voir à quelle vitesse ils ont reculé. Et tabarnouche. Bon, Marc, on va y aller avec... Sujet de voiture. Hein. On a commencé pas voiture. On commence le troisième bloc pas voiture. T'sais, chien, santé, tout ça. On va changer le nom du show bientôt. On va parler de nouvelles. Qu'as-tu pour nous cette semaine, mon cher? Patinage avec Luc et Marc. C'est ça. Écoute, quelque chose qui a vraiment fait jaser beaucoup cette semaine, c'est une enquête qui a été lancée par une compagnie d'assurance ontarienne qui s'appelle Aviva. Ben, une compagnie canadienne qui a fait l'enquête en Ontario qui s'appelle Aviva. Ouais. Qui ont des bureaux à Montréal. Oui, effectivement. Ouais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 10 véhicules, ils les ont maganés, OK? Et ils ont appelé des garagistes pour les faire réparer en ayant pris soin de dissimuler des trucs d'enregistrement, des caméras cachées, des micros cachés. Et eux avaient fait procéder, évidemment, ils savaient exactement quels étaient les dommages sur les voitures. Mm-hmm. Et ils estimaient que ça leur coûterait à peu près 30 000 $ OK, pour toutes les voitures. Oui, ça en a coûté 61 000. Ah! OK, basé là-dessus, eux autres disent, entre autres, ben c'est la preuve que les garagistes font de la fraude. Et selon eux autres, 9 cas sur 10 ont été frauduleux et 57 % des coûts de réparation facturés avaient été gonflés. Okay. Et là, évidemment, là, ça a fait grincer des dents bien du monde. Ils disent « Ah, les Moses de garagistes, les mécaniciens, ils cherchent toujours à nous avoir, on se fait fourrer. » Ouais. Par un sondage fait par une compagnie d'assurance que s'ils pouvaient, feraient réparer ton pare-choc avant par un morceau de ballot de paille. Un bout de duct tape, là. Un bout de duct tape, ça ferait la job. Ouais. Sauf qu'il faut aussi comprendre que, je m'excuse, t'es une compagnie d'assurance. Mm-hmm. Quand moi, j'ai fait affaire avec des assureurs parce que j'ai eu pas eu le choix, mon fiston a fait des dommages à sa voiture, ils ont envoyé quelqu'un inspecter la voiture, mm-hmm. puis ils ont fait une évaluation. Ouais. Si ta compagnie d'assurance fait pas ça, c'est qui le cave? Ah ouais, tu laisses la porte grande ouverte à « ben, fais-moi un prix ». C'est ça, t'sais. Ça c'est la première chose. Ouais. Deuxièmement, on va être honnête, là, les gens, tout le monde, quand on fait une réclamation d'assurance, on a tendance à surestimer la valeur de nos biens. Je veux dire, tu sais, moi, là, j'étais en pleine crise du verglas en 98. Je m'en rappelle parce que ça m'avait bien fait rire. On avait eu les chiffres après. J'étais journaliste à l'époque. Mm-hmm. Et. Oh, parce que tu ne l'es plus aujourd'hui? Oui, mais j'étais journaliste général. Pas automobile. OK, OK, OK. Et on avait eu les chiffres des compagnies d'assurance. C'est qu'à l'époque, on pouvait réclamer des dommages pour ce qu'on avait perdu dans nos congélateurs. OK. Okay? Et la moyenne des réclamations était supérieure à 700 $ Excuse-moi, là, c'est pas vrai que tout le monde a du filet mignon puis de la viande de canard congelée dans un congélateur, là. Non, mais quand tu perds ton stock, par exemple, t'en avais. Oui, exactement. Oh, alors, ouais. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que je dis, les gens, parce que c'est une compagnie d'assurance, ont tendance à gonfler, à surestimer la valeur de leurs biens. Ouais. Et je pense que les compagnies d'assurance, aussi, des fois dérangeantes sont-elles, c'est leur mandat d'envoyer un expert en sinistre qui va faire l'évaluation et qui va le dire. Fait que venez me dire que les garagistes sont à 90 % des fraudeurs, je m'excuse, t'as pas fait ta job, première étape. Deuxièmement, j'ai un sérieux doute. Moi, j'en connais plein de garagistes, puis c'est pas vrai que ce sont des fraudeurs. Ce sont des gens qui, en général, au contraire, sont extrêmement dédiés à leur travail. Oh, oui. Et si tu penses que ton garagiste est un fraudeur, ben un, vas-y. Premièrement. Ouais. Deuxièmement, il y a des façons très simples de le savoir. Tu sais, par exemple, comment je pourrais dire, t'as une réparation sur ton auto. Mm-hmm. Ben, le gars, il est obligé de t'appeler pour la faire, avant de la faire. Ouais. Si tu ne l'as pas mis dans l'estimé. Ouais. Puis si tu ne l'approuves pas, puis il a fait pareil, t'es pas obligé de la payer. Non. C'est aussi simple que ça. Puis normalement, il est obligé de te redonner la pièce défectueuse. Fait qu'au pire, tu peux la faire évaluer pour dire, ben oui, elle était vraiment défectueuse ou ah, non, tu t'es fait avoir. Et tu peux même rester debout au côté puis le regarder faire pour être sûr qu'il te donne la bonne pièce si tu n'y fais pas confiance. Non, ouais. Puis au pire, aujourd'hui, il y a des choses comme Google Local Guide, que ça s'appelle, où les gens peuvent laisser des critiques sur n'importe quel commerce qu'ils vont. Puis, tu sais, croyez-moi, là, le gars qui s'est fait avoir par son garagiste va peut-être prendre 30 secondes pour le planter sur Google Local Guide. C'est clair. Peut-être. Et ça fait partie des affaires. Et l'autre élément, c'est, mettons, là, tu vas porter ton auto le matin au garage, mm-hmm. tu as un estimé pour un changement d'huile, puis tu sors d'affaires, ça coûte 200$. Mm-hmm. Le gars t'appelle à 9h30 pour dire, écoute, j'ai checké ça, finalement, tes gallipers, il faut échanger tes gallipers. Et comme le dit François Pérusse, c'est pas garanti des gallipers. Non. Okay. C'est quoi un galliper? Je ne sais pas, mais c'est pas garanti. Ouais. Exactement. Alors, l'idée, c'est, t'as toi de vérifier. C'est à toi de vérifier. T'es capable d'aller sur Internet faire une petite recherche en disant « C'est-tu normal qu'à 12 000 km, mes gallipers soient à changer? » Puis est-ce que des gallipers coûtent 800 $ t'sais? Exactement. Ouais, check tes affaires. Ça m'est arrivé. Ouais. Moi, je suis déjà allé dans un garage où le wiper de mon fils fonctionnait mal. Mm-hmm. Et quand on est arrivé là, le gars dit « Ah ben là, écoute, c'est un problème. Regarde, ton moteur va pas bien. Puis l'espèce de rack qui permet de soutenir tout ça puis de transférer la puissance va pas bien. C'est 450$. » Ouais. J'ai fait non. On est allé dans un autre garage, ouais. Ça m'a coûté exactement 2,50$. Ouais. Puis c'est le pourboire que j'ai donné au gars parce que tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé la vis qui serrait le wiper. Ouais. Parce qu'il y a est à manger, il l'a changé, puis c'est tout, il m'a rien chargé. Ouais, mais ça, c'est comme n'importe quoi. Hein. C'est, tu vas faire venir quelqu'un pour faire des travaux chez vous, puis le ça. Gars, ah, mais là, faudrait que tu fasses ça, parce que ça va être plus beau si tu fais ça, puis tu sais, ou tu vas faire repeinturer ton auto parce que tu as un petit accrochage, puis là, tu vas chez le carrossier, puis tu dis, ah, ouais, mais moi, si je te peinture l'aile, faut absolument que je te repeinture les deux portes et tout ça, parce que sinon, la couleur sera pas pareille. Tu vas revenir contre moi, garde, peinture l'aile, puis je vais te signer une dérogation comme quoi je reviendrai jamais contre toi parce que les autres couleurs ne matchent pas. Mais il y en a qui vont toujours pousser au plus cher. C'est, tu sais. C'est ça, mais exactement. Donc, on a notre responsabilité là-dedans. Ouais. Et c'est vraiment... c'est à nous autres. Donc, moi, je ne suis pas d'accord pour accuser les garagistes d'être des fraudeurs. Là. Je m'excuse. Moi, je ne suis pas dans ça du tout. Et je pense que c'est abusif comme façon d'analyser les choses. Bref, je suis pas pour ça. Gars, c'est, voilà. C'est clair qu'il y en a. C'est oui, clair qu'il y a du monde croche dans n'importe quoi. Comme il y a des journalistes automobiles qui disent n'importe quoi, comme voyons, c'est, ça va, là. C'est moi, ça, je suis pas... Hey, j'ai été fin avec toi à date. T'as-tu pas pointé du doigt? OK. Non, non, non, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. C'est comme mettre tous les vendeurs d'auto dans le même bateau. C'est comme mettre tous les vendeurs d'assurance dans le même bateau. C'est comme mettre, tu sais, ces gens-là ont des réputations souvent. Puis, mais c'est des réputations qui sont là parce qu'une personne s'est fait avoir par quelqu'un. Puis moi, la meilleure affaire, si vous voulez pas vous faire avoir par votre garagiste, trouvez-vous un garagiste dans un petit village. Parce que lui, il a pas les moyens de fourrer ses clients, là, on va le dire clairement. Il n'y a pas moyen. Moi, j'en ai un petit garage ici, là, puis c'est Alignement Le Bire, ça s'appelle, c'est à Lécoto. Puis le garagiste, c'est Roger. Puis Roger, ça fait 12 ans que je vais le voir. Puis c'est le genre de gars que l'autre jour, j'ai rentré ma Leaf, il y avait quelque chose, puis j'ai fait changer les essuie-glaces. On parlait d'essuie-glaces. J'ai fait changer les deux essuie-glaces sur ma Leaf. Puis un moment donné, grosse tempête de neige, la glace, puis la Leaf dégèle mal en bas. Où t'as les essuie-glaces, fait qu'il faut que tu casses la glace, t'as comme pas le choix, puis son entrée d'air est là pour réchauffer, puis fait que ma femme a cassé la glace, puis en cassant la glace, il y a une des clips qui tient l'essuie-glace en place, a cassé, puis elle a tombé, puis elle l'a jamais retrouvé. Je t'allais faire réparer mon camion, parce que j'avais d'autres choses à faire dessus, puis j'ai dit, en passant, je peux-tu t'acheter un autre essuie-glace, on a perdu la clip, tout ça. Il dit, amène-moi là. Il a ouvert un essuie-glace flambant neuf, il a mis la clip là, puis il dit, c'est beau, il dit, moi, je vais m'arranger avec le reste. Il l'a juste remplacé, ouais, il m'a jamais rien demandé. C'est d'avoir une relation avec votre garagiste, puis soyez fidèle à votre garagiste. Oui, c'est beau peut-être payer 5$ de moins au Didin Tire, dans la grosse ville, mais votre garagiste local, là, vous pouvez avoir une relation avec lui. Là, de genre, moi, je l'appelle Roger, puis j'ai dit, hey Roger, j'ai un problème avec mon camion, tu peux-tu faire quelque chose pour moi? Ben, il va me prendre aussitôt qu'il va avoir un trou. Problème de batterie, il y a eu une pénurie de batteries de voiture dernièrement à travers le Canada parce qu'il faisait tellement froid, les batteries mouraient à gauche et à droite, puis les compagnies n'étaient pas capables de fournir pour les batteries. Puis mon Escape, en revenant du temps des fêtes, a pas voulu partir. J'étais chez Hyundai. Ça a pris trois démarreurs différents, trois booster packs différents pour le partir. Il a parti. J'ai appelé Roger. J'ai dit, regarde, j'ai dit, on a changé la batterie cet été. Puis il part pas là. Il a appelé chez Pièces d'Auto, un magasin de pièces d'auto à Valleyfield. Il a dit, regarde, je t'ai pris cette batterie-là. Elle part plus. Qu'est-ce qu'on fait? Le gars, il dit, ben la batterie, je peux pas en avoir. Parce que c'est backorder partout, puis ton batterie d'escape, j'en l'aurai pas avant 3 semaines. Puis il a pas juste dit OK, bye, puis il a raccroché. Il dit ben là, tu vas me trouver une solution parce que mon client y est pris, puis la batterie vient de chez vous. Fait qu'ils m'ont prêté une autre batterie un peu plus grosse qui fait quand même dans le camion. Puis il a dit mais quand on va recevoir la batterie, tu reviendras, je vais te l'installer, puis je m'arrange avec la garantie, avec la réclamation de garantie. Ça m'a coûté zéro, puis j'ai dit ben tu me chargeras ton temps, Roger, pour. Le temps que tu as pris au moins pour démonter, changer la batterie, puis tout ça, il dit c'est beau, il dit il n'y a pas de problème, il dit il pense pas à ça, il dit c'est pas grave. Ouais. Fait que c'est ce genre de relation-là que vous êtes capable d'avoir avec un garagiste local, le gars qui vit de son commerce. Moi, j'ai parlé hier avec un propriétaire en Beauce, mm-hmm. qui lui était un petit peu scandalisé de l'étude dont j'ai parlé depuis tantôt, parce qu'il disait c'est ça qui nous donne une mauvaise presse. Ben oui, avec c'est raison. Et lui était, écoute, et on a discuté pendant 15 minutes. Puis il me rapportait des cas, puis il dit, je comprends que les gens, des fois, se sentent floués, mais dis-moi, quand j'ai connaissance qu'un client s'est fait avoir ailleurs, il dit souvent, c'est même moi qui va reprendre la job en disant, gars, quand c'est correct, t'as déjà payé, là, on va m'arranger avec ça, là, puis toi, c'est moi, tu sais. C'est ça. Alors, Foncièrement, ce sont des passionnés comme nous, on est des passionnés de notre job. La seule différence, c'est qu'évidemment, il faut faire attention puis il faut s'assurer que c'est des gens de confiance. Mais c'est dans n'importe quel commerce. Oui, n'importe quel. Que ce soit la mécanique, que ce soit ton épicier, ton boucher, c'est à toi de faire attention, c'est tout. Bon, Marc, c'est assez pour cette étude-là. T'as quoi d'autre comme nouvelle pour nous? Là? Quelque chose de peut-être un peu plus positif, je sais pas. Ou de la E-essence, est-ce que tu connais ça? On met des électrons dans un réservoir, je sais pas. C'est quoi? Non, la E-essence, c'est une essence à partir d'énergie renouvelable que Audi est en train de développer. Genre éthanol? Non, c'est de la vraie E-essence qui contient ni soufre ni benzène. Donc, une combustion qui est moins polluante que l'essence actuelle. En fait, si on est capable de la fabriquer à partir du CO2 et de l'hydrogène, issus de sources renouvelables, comme on est en train de faire des tests, il n'y aurait pas plus d'émissions qu'une voiture électrique. Ah, OK. Et ce serait une essence qui se retrouverait dans des stations d'essence traditionnelles. Mais bon, ça prend, j'imagine, une technologie moteur différente. Où on peut, est-ce pas qu'on, du tout. On peut adapter les moteurs présents à cette technologie-là? Tu l'utilises comme une essence régulière. Ah, ouais? C'est une essence, tout simplement. C'est juste que c'est de l'essence fabriquée en usine au lieu d'être une essence pompée à partir du pétrole. Ah, OK. Ça va rendre certains arabes nerveux, peut-être. Mais... Oui, ça va rendre aussi les fabricants de voitures électriques un petit peu nerveux aussi. Oui, mais rendu là, c'est un choix. Comme j'ai toujours dit, moi, la beauté de la voiture électrique, c'est que je peux la charger chez nous, j'ai pas besoin d'arrêter nulle part. T'sais, oui. Un coup, j'ai une voiture à 300-400 km d'autonomie, moi, j'ai pas de problème. T'sais. Mais c'est une question de choix. Là, c'est ça. Mais en tout cas, fait que là, on se retrouverait avec une autre alternative, en fait, qui rend les moteurs, parce qu'elle a un pouvoir antidétonant, c'est comme si elle avait un indice d'octane supérieur à 98, okay. La E-essence. Donc, c'est comme de la super, super, super. Ça va faire des voitures qui vont bien ronronner. Exactement, et c'est exactement le même moteur, donc tu n'as aucun changement à faire, et ça pourrait être intéressant. Évidemment, on verra, évidemment, on n'est pas rendu là, on n'a pas fait de production générale encore, on attend de voir ce que ça va donner. OK, c'est bien. Est-ce que tu connais le pneu Goodyear Oxygène? Non, ouais. Je connais Goodyear, mais... C'est un pneu que Goodyear a développé. L'idée, c'est que le pneu laisse développer une mousse vivante sur les côtés, sur les flancs du pneu. OK. Et à ce moment-là, c'est l'eau et l'humidité qui va à la surface de la route qui vont aider la mousse à pousser. Et en faisant ça, ça va faire de la photosynthèse et tes pneus, en roulant, vont dégager de l'oxygène. OK. Ouais, puis tu vas avoir des pneus verts avec de la mousse dessus. Ça... Oui, exactement. Ils sont vraiment verts sur les côtés. Ouais. Ça, okay. Mais... Ouais. Effectivement, donc c'est un pneu qui permet de libérer, comme les plantes, là, de libérer de l'oxygène dans l'atmosphère. Sincèrement, je pense pas que ça va se faire cette semaine, mais je trouvais ça quand même très drôle. Je trouvais que c'était une idée très amusante comme principe parce que c'est quand même, comment je pourrais dire, c'est quand même particulier d'avoir un pneu qui libérerait de l'oxygène. Je trouve ça absolument fabuleux. En tout cas, il y a plein de bonnes idées comme ça qui sortent régulièrement. Ça va être bon pour les campeurs, pour se fondre dans la nature. T'as de la mousse après tes pneus d'auto. T'sais. Effectivement. Ah, OK. Ouais. Dans un autre ordre d'idée, d'un point de vue plus corporatif, Toyota et Mazda se sont associés. On le sait, Toyota et Mazda partagent déjà une usine au Mexique. C'est d'ailleurs là que la Toyota Yaris Berlin est assemblée sur la base de la Mazda 2 que nous, on n'a pas. Oui, qu'on avait annoncé, présenté au Salon de Montréal et tout ça, puis finalement, chez Mazda, on a dit « Bah, non, pas de Mazda 2 pour vous autres. » Exactement. Ouais. Mais là, ils viennent de le faire dans un joint venture pour une usine aux États-Unis, à Huntsville, aux États-Unis, okay. Où on va assembler 300 000 voitures dans cette usine-là. On dit que c'est 150 000 VUS Mazda, on ne sait pas lequel, et 150 000 Toyota Corolla. OK. Donc, c'est une association encore plus étroite avec Mazda et Toyota. Quand même, c'est une nouvelle importante, mon cher. Je me demande si ça a quelque chose à voir avec le fait que le président des États-Unis, Voldemort, je pense que c'est pendant Donald Trump, voulait s'en prendre à tous les constructeurs qui construisaient pas des voitures sur le sol américain, puis leur mettre des taxes supplémentaires et tout ça. Je me demande si ça a un peu à voir avec ça. Si Toyota puis Mazda ont décidé, mais tant qu'à construire une usine, on va séparer les coûts. Puis en même temps, ben, on va faire plaisir au président des États-Unis. Oui, ça peut être ça, mais en même temps, moi, je pense que c'est des projets qui se développent longtemps d'avance. Oui. Tu sais, ils commencent la construction, là, fait que Objectivement, je pense que c'est prévu depuis longtemps. Donc, on verra ce que ça va donner. Là. Enfin, dernière petite nouvelle, mon cher. Est-ce que tu connais le système Blue Link? Bien sûr. Le système Blue Link, c'est le système Hyundai de télématique avec une application qui n'était pas disponible au Canada. Dis-moi pas que finalement, ça s'en vient. Yes, monsieur. Oh. Ça va être disponible sur l'Elantra GT et la Sonata 2018. OK. C'est plus les gens qui ont la Ioniq qui apprécieraient de l'avoir. Là. C'est eux autres qui, je pense, en souffrent le plus. Là. Mais oui. Ouais, mais éventuellement... Faut commencer à quelque part. C'est ça. Je pense que ça va se répandre à tous les systèmes. Donc, ce sera désormais disponible au Canada, ce qui est une excellente nouvelle. Super. On a-tu une date ou c'est bientôt? C'est pour les modèles 2018. Ah, OK. Ah, donc, c'est comme là. C'est comme présentement. Là. Dans les prochaines livraisons, ça va être là. Ou mise à jour. Quand vous allez aller chez le concessionnaire, il va probablement avoir une possibilité de faire la mise à jour du système parce que maintenant, on peut tout mettre à jour. Beaucoup de technologies dans les voitures veut dire mise à jour de temps en temps. C'est très bien, tant mieux. Donc, c'est beau, Marc. On va terminer là-dessus. Ça fait quand même un petit bout qu'on jase. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela, mon cher? Sur mon blog, marcbouchard.ca, sur ma page Facebook, c'est la façon la plus facile. Sur mon compte Instagram, Bouchard souligné Marc, ou de ce temps-là, vous allez probablement voir plus de photos de mes chiens que de mes chars, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et bien sûr, à info@saroulradio.com, qui est notre adresse courriel à laquelle nous recevons, ou devrais-je dire, nous ne recevons pas les nouvelles de nos auditeurs, parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais que toi et moi, on peut lire sans problème. On en avait pas mal à un moment donné. Présentement, c'est un peu le Far West avec la boule de foin qui traverse la rue. Là. Ouais. Mais bon, écrivez-nous. Ça nous fait plaisir de vous lire et de vous réécrire. Donc oui, et moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est AskAlazormo. Facebook, c'est Luc Desormo. Il y a aussi la page Facebook de Ça Roule Radio où vous pouvez nous écrire puis on va aussi vous répondre. Normalement, on a un bon taux de réponse. Et puis, il y a aussi le compte Twitter qui est Ça Roule Radio. Vous pouvez nous écouter à travers Google Play ou iTunes si vous avez un téléphone intelligent. Si vous avez un BlackBerry, c'est plate pour vous. Et puis, aussi, on a deux radios web qui nous diffusent. Il y a Radio sportradio.ca et puis Radio Média Plus. Donc, merci encore une fois d'avoir écouté cette émission. Cette semaine, on espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye.